Ce jeune de cité, je vois de l'argent, je suis trop excité. Je vais de l'avant, je me fais inciter. Mes potos bras qui veulent m'inviter. Putain, j'hésite, je deviens fou. Je suis à terre, j'en ai marre de voir les autres plein de sous. Je monte sur un coup, adrénaline, les flics me traitent, je finis sous écrou. Et maintenant que je suis dans le zoo, qui va m'assumer? Qui va aider ma mère, qui va m'envoyer à fumer? Je suis ce jeune déstabilisé, visé par l'état, j'ai le cœur brisé. Je m'en fous des femmes, j'ouvre un réseau, j'ai perdu des années, je veux rentabiliser. Je fais des passages avec plein de plaquettes, qui va garder tout ça, je me prends la tête. Je fais des tours, je sens que ça me guette, je rentre pas chez moi le matin de peur que ça me pète. Parano, je doute sur mon équipe, rien que ça fait des trous, ça s'amuse, ça fait les pitres. Peut-être que ça veut me descendre, la jalousie fait qu'en trompe, que ça suit des bites. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. Jeune de cité, jeune de cité. Été comme hiver, moi j'enchaîne les TP. Je fais de l'argent facile, c'est tarpin cool. Mais mon meilleur pote vient de se faire péter. Il m'arrive des fois de mettre la cagoule. L'argent ça, j'arrive pas à le quitter. Je claque toute ma paye dans de la vodka. Je rentre pas en boîte, je traîne dans les bars. Y'a cette meuf qui bosse au comptoir. Je crois que j'ai bon, je vais la kender ce soir. Puis y'a ce type qui me regarde de travers. Wesh, qu'est-ce que tu cherches, que je te monte en l'air. Crochet du droit, arcade ouvert, bouteille en l'air. J'ai sur la tête, c'est bon, je me taille. Je dors à l'hôtel, ne m'appelle pas. J'ai cassé mon tel. Quand je pense à vous mes frères, j'ai une larme sur la joue. Marre de dire vos noms accompagnés d'un yarahmou. La seule chose que je peux faire c'est de prier à genoux. Je vous embrasse d'ici bas et tous les jours je pense à vous. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis en port comme tous les jeunes de la cité. Je suis ce jeune tranquille, je me flamme pas. J'ai vu des choses de fou, de dingue, j'en parle pas. Je poste tous les jours au check, je le sens pas. Je fouille les clients quand la tête me revient pas. Je vois les potos passer, les autres partir à la plage. J'entends la relève, y'a des gains qui me remplacent. Faut que je reste le mentier, gros, pour me mettre en place. Oui, je vends la drogue, pour me mettre en place. J'ai pas le temps pour les folles, j'ai pas le temps pour l'école. Et s'ils font des guet-apens, oui, pour me mettre en tol. Je les vois passer à force de crier. Mes guetteurs, on la voit casser, faut pas les laisser passer. Faut les caillasser. Si je fais un trou, le patron va tabasser. Je vais devoir la ralasser. Je vais faire un TP gratuit. Ça va mal. Pour monter, ça te descend, je te jure mon frère, moi ça me dégoûte. Parano depuis la naissance, je sais même pas si le mic est sur écoute. Pour monter, ça te descend, je te jure mon frère, moi ça me dégoûte. Parano depuis la naissance, je sais même pas si le mic est sur écoute. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité. T'as voulu refaire les grands, t'as voulu les imiter. T'as quitté l'école des capacités limitées. Tu t'es mis à fumer comme tous les jeunes de la cité. Tu t'es mis à boire comme tous les jeunes de la cité.